je ne crains pas l'obscurité, ni de ce qu'elle pourrait dévoiler de nos éclats, de nos ébats, de ce qu'on cache durant le jour. Pourtant rien n'est mal en amour. Je ne crains pas de tout te dire. Sans la lumière, on ne peut pas mentir. Tout se révèle, tout se décèle. Il n'y a qu'à se toucher la peau pour se lire et savoir sans mots qu'il faut oser la nuit, oser les gestes interdits, oser la nuit, nos corps se moquent des non-dits, tout redevient. Ces moments d'amour, oser la nuit, poser les gestes interdits, oser la nuit, nos corps se moquent des non-dits, tout redevient vrai dans nos mains, et pour que mon rêve prenne vie. Oser la nuit, poser les gestes interdits. Oser la nuit, nos corps se moquent des non-dits. Tout redevient vrai dans nos mains. Oser la nuit, poser les gestes interdits. Oser